Lors du premier atelier du Fairmont Lab, nous avons acheté un set de couteaux pour nos participants, des petits couteaux mais aussi des couteaux un peu plus grands comme celui-ci, le couteau du chef. Et nous vous le montrons ici car c'est un des éléments les plus importants de notre laboratoire.